réveil. Je sais de continuer d'y croire. Je sais qu'il n'est jamais trop tard. Même si la route m'éloigne de toi, même si le temps fait mal parfois, mon cœur me mate plus vagabond. Je cherche au bout du monde, au bout du monde. Je suis dans mes souvenirs. De l'Acadie et de la francophonie canadienne, j'en suis certain, Amélie Hall, Au bout du monde, tiré de son dernier album, son deuxième, Cultiver l'amour. Et je pense qu'elle commence à travailler sur un troisième album. On va lui donner le temps d'écrire de superbes belles chansons, comme elle est capable de le faire. J'adore Amélie Hall. On s'est parlé quelques fois au téléphone, pas plus qu'il faut, mais un jour, je vais la rencontrer, j'en suis certain. Et ça me fera plaisir de faire une belle accolade, une belle bise, et puis d'y dire comment j'adore sa musique. Elle semble une femme très, très, très sympathique. Et moi, j'adore tout ce qu'elle fait depuis son premier album. C'est vraiment génial. On va poursuivre avec d'autres belles nouveautés, si vous voulez bien. Celle de Claude Cormier, tirée de son album « Garde ton accent ». Album sûrement disponible, comme ceux de Lenny Galant et aussi Amélie Hall. C'est sûrement disponible sur Distribution Plage, www.plage.net. Allez voir ça. Et de l'album « Garde ton accent », c'est la chanson « Je suis loin ». Monsieur Cormier qui repart en tournée, je pense, au printemps et à l'été. Donc, vous allez voir une très, très belle chanson qui s'appelle tout simplement « Je suis loin ». Et de son album « Mon été » qui est sorti, je pense, l'année passée, M. Danny Boudreau, qui, selon moi, après Denis Richard, c'est l'un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de sa génération. Et, je veux dire, Danny Boudreau a sorti deux albums compilation qui rend hommage au poète acadien. Et dans le deuxième, qui s'appelle « Mon été », il y a une chanson de Caillouche, « Le portrait de mon père dans le salon ». Ça s'en vient dans quelques instants. Danny Boudreau, qui travaille aussi avec Jocelyne Baribault pour le groupe « Beau séjour ». Un album est à venir. Je suis parti pour refaire ma vie. C'est encore difficile par moment. Quitter ma terre, toutes mes amies. Bien sûr, je voulais faire autrement. J'ai surmonté toutes mes tempêtes. Quand le mal du pays me rend dedans, toutes mes souvenirs me passent en tête. Quand je regarde vers l'horizon, je suis loin du bord.

rock, une dernière nouveauté d'un album qui est aussi disponible sur Distribution Plage. C'est l'album 2004-2019 Pointe Picot de Joseph Edgar qui célèbre cette année ses 15 ans de carrière. Et ce disque double comprend des reprises de chansons, des chansons inédites et des nouvelles chansons. C'est deux CD, un album double qui vaut la peine de mettre la main dessus. On va faire un tour sur Distribution Plage. On va entendre une nouveauté qui s'appelle « Loin, loin, loin, loin » de M. Joseph Edgar. Et puis, on va terminer ça avec les Hôtesses d'Hilaire, Petit Paradis sur le bord de l'eau. Eux qui reviennent à peine là, d'un grand voyage du côté de la France, la Suisse, où ils ont été très bien accueillis pour quelques spectacles. Donc, ça a été super pour eux autres de ce côté-là. Donc, on va les entendre avec le Petit Paradis sur le bord de l'eau. Mais pour l'instant, Joseph Edgar. Aujourd'hui, j'ai un fils qu'un an, je peux pas être avec lui. Sa mère puis moi, on s'est quitté à peine qu'on était sortis. De l'hôpital, le vent soufflait, il m'a arraché. J'ai bien essayé de me tenir fort, mais j'ai pas pu l'empêcher. Je suis loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin de toi, ton frère, puis tes soeurs. Aujourd'hui le soleil pas fort, mais à mes yeux le ciel est gris. Un jour vous me direz j'ai eu tort, mais c'est trop être parti. Je sors dehors une cigarette pour chasser ses ennuis. Aujourd'hui le soleil pas fort, mais j'en ai pas envie. Je suis loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin. Ton frère et tes soeurs. Aujourd'hui j'ai un fils qu'à un an, ben je peux pas être avec lui. Et ma cigarette me brûle les doigts quand je pense à ça d'ici. Je suis loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin, loin. Semaine de bosse, trois semaines de brosse pour sept jours dans tes bras. Du fin fond du Québec, je rêve chaque soir à toi. On vit pas pour tout de suite, on garde ça pour plus tard. Mais crois-moi, un jour, ça vaudra son pesant d'or. Dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau, dans le petit paradis sur le bord de l'eau. Un jour, je vais faire un hit, pas juste un hit d'acide. Je vais topper le palmarès, tu croiras pas tes yeux. Je vais perdre 30 livres de graisse. Je vais t'acheter une flat screen, une cuisine Ikea. Baby living the dream, en deux swipes de visa. Paradis, paradis, sur le bord de l'eau.